Mec shot. Mec, tu veux kiffer mon son? Commence par te bourrer la gueule. T'arriveras peut-être à me comprendre, petit, j'ai le flow des articles. Petite culotte sans le chiffre en érection. C'est l'heure